pour dire « je l'ai vendu » au passé avec plongeoir. Lo he vendido. Lo he vendido. Je l'avais vendu. Lo había vendido. Bien. Lo había vendido. Et maintenant, si vous voulez dire « si je l'avais vendu », ça sera « si hubiera ». Si je l'avais vendu. Si lo hubiera vendido. D'accord. Hein? Si lo hubiera vendido. Ça, c'est du subjonctif. Si lo hubiera vendido. Dans ces phrases qui expriment une condition, avec une première partie où l'on présente une hypothèse et, dans la deuxième partie de la phrase, ce qui va se passer si l'hypothèse se réalise, en général, dans la deuxième partie de la phrase, on utilisera « habría » comme plongeoir. Mais on peut aussi utiliser comme plongeoir à la place de « habría » ou « hubiera ». Par exemple, pour dire « si j'avais pu, je l'aurais vendu »,« si hubiera podido, lo habría vendido ». Ou bien, à la place de « habría », on peut aussi utiliser « hubiera » comme plongeoir. Donc, « je l'aurais vendu » avec « hubiera » comme plongeoir, ça donne « lo hubiera vendido ».« Lo hubiera vendido ». Mais pour dire « je l'aurais vendu », on peut aussi dire « lo habría vendido ». D'accord. Si j'avais été là hier soir, et si je l'avais vu, je l'aurais acheté. Bon, Alors, maintenant, essayez de me dire ça. Si j'avais été là hier soir. Si hubiera été avec ser ou estar. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que vous êtes sur le plongeoir et que, à partir de là, vous n'avez qu'une chose à faire. C'est plonger. Dans ado ou ido. C'est ça, mais plonger. Alors, vous êtes déjà sur le plongeoir. Et donc, pour dire... Si j'avais été là, hein, vous avez commencé par me donner « si j'avais » qui se dit « si hubiera ». Oui, et maintenant, vous avez le temps de plonger. Ce n'est pas la peine de sauter tout de suite. Vous avez le temps de réfléchir à ce que vous allez faire maintenant. Vous savez qu'il vous faut plonger pour dire « si j'avais été là ».« Été », ça va être quel verbe ici? Il s'agit de la position dans l'espace. Là. Alors, c'est ser ou estar. On parle de la position. Ser ou estar. Estar. Bien sûr. Alors, c'est estado. Alors, pourquoi vous ne le dites pas? Ça me paraît trop facile. Bon. Faisons en sorte que tout soit facile. Hein? Alors, si j'avais été là, se dira si... Si hubiera estado. D'accord. Si hubiera estado, là, allí. Allí. Hier soir, anoche. Anoche. Hein? Si hubiera estado allí anoche, et si je l'avais vu. Et si hubiera... Si je l'avais vu. Si lo hubiera visto. D'accord. Et si lo hubiera visto, je l'aurais acheté. Lo habría comprado. D'accord. Lo habría comprado. Au lieu de habría, lo habría comprado, vous pouvez aussi dire lo. Lo hubiera comprado. C'est ça. Hein? Donc, dans ce cas-là, on peut employer hubiera ou habría. D'ailleurs, les deux sont courants. Hein? Donc, si hubiera estado allí anoche, y si lo hubiera visto, lo habría comprado ou lo hubiera comprado. Hein?